Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous, c'est l'heure du journal Parler en français. Nous sommes le 3 novembre 2016, voici les grands titres de cette édition. Alors que le porte-parole de la police dit que notre confrère correspondant de Karouzi n'avait pas été arrêté mais interpellé pour donner des clarifications sur une information donnée à propos des rondes nocturnes faites par les jeunes militants du CNDD-FDD, le directeur de Radio Isanganiro s'insurge contre la convocation pendant la nuit de son mercredi de Blaise Pascal Kararoumié, même s'il a été relâché quelques heures après. Pour Samson Maniradoukunda, cela montre que les relations entre certaines autorités et les journalistes ne sont pas bonnes et souhaite que cette situation change. Et le ministre de la Défense nationale annonce que le Burundi envisage retirer ses troupes de la Somalie si l'Union européenne maintient son intention de payer directement les indemnités aux militaires en mission dans ce pays. Et le ministre de la Sécurité, lui, dit que le renvoi des policiers en mission en Centrafrique était une mesure politique. Ils sont tous deux invités à l'Assemblée nationale pour des questions orales. Notre envoyé spécial, Placide Niyomwongere, nous en dira plus. Des avocats africains en visite au Burundi conseillent au gouvernement de dialoguer avec la Cour pénale internationale, même s'il a le droit de se retirer de cette instance judiciaire internationale. Ils ont rencontré la ministre de la Justice ce mercredi. Et le représentant de l'antenne provinciale de la fonction publique à Rumongue dit que les écoles qui encadrent les élèves ayant échoué à l'examen donnant accès à l'enseignement post-fondamental s'exposent à des sanctions et demandent à leurs parents de les faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, le directeur de Radio Isanganiro s'insurge contre la convocation pendant la nuit de ce mercredi de notre confrère correspondant de Karouzi par le commissaire de la police dans cette province. La convocation de Blaise Pascal Kararoumié faisait suite à une information qu'il a traitée. Samson Maniradoukunda indique que même si notre confrère a été relâché tard dans la nuit, cela montre que les relations ne sont pas au bon fixe entre certaines autorités et les journalistes. Une situation qui devrait cesser, dit-il. C'est vrai, Blaise Pascal Kararoumié, correspondant de la radio Isanganiro dans la province de Karoussi, a été arrêté hier soir dans la nuit pour un interrogatoire dans le bureau de la police de la province. Plus tard dans la nuit, vers 23h, il a été libéré. C'est déplorable parce que la police ne devrait pas arrêter une personne au-delà de 18h, à moins qu'elle soit un malfaiteur ou en train de perturber l'ordre public, ce qui n'est pas le cas. Parce que Blaise Pascal a été arrêté pour une information vérifiée, fiable et de sources sûres qu'il aurait traité. Curieusement, même certaines organisations qui interviennent dans la protection des droits de l'homme venaient de mener des enquêtes sur ce sujet, ce qui vient confirmer que l'information était de sources sûres. Le fait aussi d'être arrêté au-delà des heures réglementaires montre qu'il y a quelque chose qui cloche entre certaines autorités et les journalistes. Raison pour laquelle je lance un appel vibrant aux personnes habilitées de laisser les journalistes exercer leur métier librement et aux journalistes de ne pas céder à la pression, mais plutôt de garder le professionnalisme et la déontologie du métier. Samson Maniradoukunda, sachez qu'un autre journaliste de Radio Isanganiro en province Cibitoke, Jackson Bahati, a été également arrêté mardi par la police d'Ondava, puis relâché après 2 heures. Et la police n'a pas arrêté le journaliste Blaise Pascal Kararoumié, mais l'a appelé pour qu'il s'explique sur une information qu'il a traitée concernant les activités nocturnes des Imbonerakure, les jeunes militants du CNDD-FDD. Cette mise au point est faite par le porte-parole de la police qui indique que l'information était fausse. Pierre Nkurunkiye a fait savoir que le correspondant de Radio Isanganiro a été suspecté parce qu'il était en compagnie d'autres journalistes de radio de la Voix de l'Amérique. Et la police a voulu en savoir plus sur cette visite. Pierre Nkurunkiye au téléphone avec Francine Diokogayo. Il n'a pas été arrêté du tout. On l'a vu dans un groupe d'autres journalistes qui s'étaient introduits dans la province sans aviser qui que ce soit. Et compte tenu des informations qu'il avait diffusées dernièrement, disant que des jeunes Imbonerakure auraient remplacé les forces de l'ordre, notamment dans les patrouilles, et des informations qui étaient fausses, l'ensemble de ces gens a été suspect. Et alors les forces de l'ordre lui ont demandé pourquoi ces gens-là étaient là. Ça a duré aurait dû, c'est le moment d'en savoir plus sur les présences et sur les activités. Il a été suspecté parce qu'il était avec d'autres journalistes ou parce qu'il avait justement diffusé une information concernant ces jeunes Zimbone Lakoudé. Ça faisait quelques jours qu'il avait diffusé des fausses informations en rapport avec la sécurité, des informations qui pouvaient perturber la sécurité. Et on a voulu savoir plus, savoir aussi s'il ne voulait pas encore une fois fabriquer des fausses informations à diffuser. Est-ce que c'est à ce moment que ces informations ont été qualifiées de fausses? Non, c'est pas à ce moment. Je te dis que déjà, les forces de l'ordre savaient que c'était des fausses informations. Alors, dans le but de prévenir pour qu'ils ne puissent pas encore une fois diffuser des fausses informations et surtout dans le but de lui demander de leur montrer dans quelle localité ces jeunes ont remplacé les forces de l'ordre, on l'a appelé pour qu'il puisse donner tous ces détails-là. Pour vous, les informations sont fausses ou ce sont des informations qui peut-être ne plaisaient pas à certaines autorités? Non, ce sont des fausses informations parce que nulle part dans ce pays, il n'y a pas un endroit où des jeunes d'une formation politique quelconque ont remplacé les forces de sécurité. Est-ce que son reportage n'était pas équilibré? Dire qu'un reportage est équilibré, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas contenir des fausses informations. Et cette façon de l'appeler la nuit, est-ce que c'était vraiment urgent? Oui, c'était urgent parce que quelques jours avant, il avait diffusé des fausses informations pouvoir porter atteinte à la sécurité. Et cette nuit-là, on l'avait vu en compagnie d'autres gens, probablement pour le même objectif. Le journaliste a reçu des menaces comme quoi s'il reprend encore une fois à parler de Zimbone Lakoudé à la radio, il sera vraiment corrigé. Vous ne voyez pas en cela une façon d'intimider les journalistes sur terrain? La police n'a aucune plainte de ce journaliste arguant qu'il aurait reçu des menaces parce que s'il a reçu des menaces, il sait qu'il doit en rapporter à la police pour que la police puisse entamer des investigations. Moi, je pense qu'un journaliste a des lois qui régissent son métier et il a droit à traiter toutes les informations. Il y a bien sûr des limites qui sont prévues par ces lois même. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, au téléphone avec Francine Ndihokubwayo. Il est 13h03 à Bujumbura. La suite de ce journal avec le gouvernement du Burundi qui menace de retirer ses troupes de la Somalie si l'Union européenne s'obstine à vouloir payer directement les indemnités aux militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Cette annonce vient d'être faite par le ministre de la Défense à l'Assemblée nationale. Placide Niyomwongere n'est pas encore en ligne. Nous le rejoindrons tout à l'heure. Le gouvernement du Burundi devrait dialoguer avec les responsables de la Cour pénale internationale, même s'il a le droit de se retirer de celle-ci. C'est le conseil donné par Félix Agbor Ngogo, un des membres de l'Association des avocats africains, après l'entretien avec le ministre de la Justice ce mercredi. Selon Félix Agbor Ngogo, c'est encourageant que les pays africains puissent faire entendre leur voix dans le concert des nations. Suivez-le. Mon problème, c'est parce que la façon que le procureur travaille avec les Africains, ils ont créé la Cour seulement contre les Africains. Mais on doit chercher à trouver une solution. On doit dialoguer. Donc le gouvernement des Burundi avec les gens de ces pays vont parler pour trouver une solution. Il y a plein de pays africains. Quand tu parles avec les jeunes africains, moi je suis professeur à l'université, beaucoup de jeunes africains, ils sont pour l'avis que les Africains, tous les pays africains doivent retirer tous ces pays. Peut-être ça, ce n'est pas la solution, mais on doit dialoguer pour trouver une solution. Que direz-vous de ces pays africains qui s'enchaînent à se retirer du statut de Rome? Bon, c'est un dialogue parce que aussi, vous voyez, tous les pays sont signés comme un pays individuellement. On n'a pas fait ça comme Union africaine. Si c'est Union africaine qui avait négocié pour nous, donc ce sera un peu facile. Mais ils ont fait ça comme pays. On doit respecter leur souveraineté aussi. Je pense que l'Union africaine, il va avoir une réunion pour parler des choses parce que aussi, ça va avoir un effet si tous les pays africains retirent de ces pays. Voilà, c'était un des avocats africains en visite au Burundi, Félix Agbor Nkogo. Et la ministre de la Justice, Laurentine Kanyana, salue la visite de ces avocats africains au Burundi. Elle indique que c'est nécessaire que les Africains eux-mêmes s'impliquent dans la recherche des solutions au conflit inter-burundais. Suivez-la. Lors de leur réunion à Harare, en Zimbabwe, la question du Burundi avait été soulevée. Et vous avez entendu qu'ils ont exprimé une certaine préoccupation par rapport au contenu des rapports qui avaient été élaborés à propos du Burundi. Ils avaient constaté que c'était des rapports qui ne sont pas réalistes et ils ont voulu alors venir sur le terrain pour se rendre compte de la situation afin d'assister le gouvernement burundais, afin de pouvoir aider le Burundi à donner la vraie version des faits. Et nous allons leur permettre de s'entretenir avec nos avocats, nos juges, nos magistrats de la magistrature debout, pour qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte que nous avons vraiment des magistrats capables, qui ont des capacités pour pouvoir résoudre le problème, les conflits du Burundi, sans devoir demander une intervention extérieure. Nous nous réjouissons également du fait qu'au niveau africain, nous avons des juristes très compétents qui peuvent gérer les problèmes de l'Afrique. Par ailleurs, la proximité d'un juge, la proximité de celui qui résout un problème dans le lieu dans lequel le problème s'est produit, c'est un élément important dans la gestion des conflits. Aimé Laurentine Kanyana, c'est la ministre de la Justice. Je venais de vous le dire, le gouvernement du Burundi menace de retirer ses troupes de la Somalie si l'Union européenne s'obstine à vouloir payer directement les indemnités aux militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Cette annonce vient d'être faite par le ministre de la Défense à l'Assemblée nationale. De son côté, le ministre de la Sécurité publique, qui est lui aussi un invité à l'Assemblée nationale, vient d'indiquer que le renvoi des policiers burundais en mission en Centrafrique était une mesure politique. Placide Niyomungere, qui suit ses activités, vient de s'entretenir avec Joseph Sabiyabandi. Devant l'Assemblée basse du Parlement burundais, le ministre de la Défense Emmanuel Ntahomvukiye reconnaît le retard des indemnités des 6 bataillons burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Il précise que malgré ce retard, ces indemnités sont désormais réduites de 20%. Et c'est une décision qui a été récemment annoncée à ceux-ci contingents par l'Union africaine. Emmanuel Ntahomvukiye, le ministre de la Défense, déplore le comportement de l'Union européenne qui propose le transfert de ces indemnités, le transfert direct sur les comptes des militaires burundais, ce qu'il qualifie d'inceste, arguant que malgré la mission en Somalie, c'est le Burundi qui les a recrutés et reste burundais. Est-ce que le ministre de la Défense annonce une mesure qui peut être prise si jamais l'Union européenne continue à vouloir payer directement les indemnités aux militaires burundais en maintien de la paix en Somalie? Parfaitement, Joseph, ce que Emmanuel Ntahomvukiye précise, que même s'il y a le travail à faire en Somalie, le ministre de la Défense souligne que le Burundi envisage retirer de la Somalie ses troupes burundais que la majorité des députés qui se sont exprimés semblent soutenir. Il n'y a pas que le ministre de la Défense qui est devant l'Assemblée nationale, il y a également le ministre de la Sécurité publique. Quelles sont les questions qui lui ont été posées? Pour le ministre de la Sécurité publique, lui aussi, il s'est exprimé sur le renvoi des policiers de la MINUSCA, la République centrafricaine. Alain Guillaume Mbugnoni explique qu'il s'agissait d'une décision à caractère politique où il dénonce le représentant de l'ONU, Parfait Onanga Anyanga, qui collabore avec l'opposition pour dicter cette mesure de renvoyer ces policiers burundais de la MINUSCA. Et quant aux policiers qui se trouvent au Soudan, en Côte d'Ivoire et ailleurs, le ministre de la Sécurité publique Alain Guillaume Mbugnoni dit que le délai d'y rester a été prolongé et qu'il risque de ne pas être remplacé parce que la formation de relève a été suspendue. Mais le ministre de la Sécurité publique précise qu'une école internationale de la police a été mise en place pour cette fin et que rien n'empêche qu'une fois appelée, la police burundaise est toujours prête pour intervenir. C'était notre confrère Placide Niyomungere qui se trouve à Kigobe. Il suit pour nous ces questions orales, des questions posées par les députés au ministre de la Défense et à celui de la Sécurité publique. Il est 13h10 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les étudiants de l'Institut national de santé publique disent avoir accueilli avec tristesse la mesure du Conseil des ministres qui dit que la bourse qui était octroyée par l'État sera remplacée par un prêt-bourse consistant à donner aux étudiants en crédit remboursable après leurs études. Daïla Guigé-Majoric Chadrak, représentant général de ces étudiants de l'INSP, demande au gouvernement de revoir cette mesure. Nous, les étudiants de l'Institut national de santé publique, avons mal accueilli ou bien avec grande tristesse le projet de décret qui a été conclu dans le Conseil des ministres du 26 octobre 2016. Ce projet de décret qui stipule que bientôt la bourse qui était donnée aux étudiants sera remplacée par un prêt bourse qui sera remboursé après les études, mais aussi que l'étudiant qui fera un redoublement ne bénéficiera plus ce prêt bourse, mais également que l'étudiant sera obligé de se payer l'assurance. Vu alors les conditions de vie de la population burundaise, mais aussi de l'étudiant en particulier, surtout que la plupart des étudiants migrent vers Bujumbura pour suivre les études universitaires, vu aussi les conditions que l'étudiant va subir dans le remboursement de son prêt bourse, surtout que la majorité des étudiants qui terminent les études universitaires ne parviennent pas à trouver le travail. Nous demanderons alors au ministère ayant ce projet en main, mais également aux institutions compétentes, de revoir l'approbation de ce projet de décret parce qu'il ne favorise plus les étudiants. Une étude devrait être menée pour montrer la valeur ajoutée de la décision du maire de la ville de Bujumbura d'instaurer la taxe sur les parkings des véhicules. La réaction est du président de l'association Parcem qui fait savoir que la décision en soi n'est pas mauvaise. Faustin Dikoumana dit que cette étude devrait également montrer la destination des fonds collectés. Nous disons qu'il fallait qu'il y ait d'abord une étude publiée par la mairie, maire de la ville, qui devait nous détailler l'objet actuel de la mairie. Est-ce que la nouvelle taxe qui a été introduite, quel est le montant des recettes supplémentaires qui seront collectées liées à cette nouvelle mesure? Quels sont les services qui seront améliorés? Comment allons-nous évaluer justement la mise en application de ces nouvelles réformes au niveau sécurité, hygiène ou l'état des routes, etc.? Et nous disons encore une fois que plutôt, la mairie devrait aussi davantage s'ouvrir à la transparence et communiquer, que ça soit en ligne, l'état du budget, comment le budget de la mairie est affecté, où est l'état de la décentralisation, comment est-ce que les communautés urbaines sont consultées, au niveau des priorités, devant être retenues pendant l'élaboration du budget, les passants du marché public en mairie de Bujumbura, est-ce qu'il y a des audits réguliers pour évaluer l'état des services de la mairie de Bujumbura et la gestion pour justement fustiger sentiment de détournement chez certains. Selon toujours Faustin Dikoumana, les usagers de ces parkings devraient être préalablement consultés afin de stimuler leur bonne volonté. De plus, les services chargés du contrôle devraient être à l'œuvre effectivement pour suivre de près le budget de la mairie. Suivez encore une fois Faustin Dikoumana. Au niveau de la population, je dis, c'est nous qui devons supporter les dépenses de notre mairie au niveau de certains services. Il y a quand même des urgences que nous voyons, manque de toilettes publiques, des goûts dans certains quartiers, la sécurité, les routes qui ne sont pas régulièrement réparées. Nous voulons ce changement parce que moi, Faustin Dikoumana, si on me dit, tu vas payer 300 pour qu'il n'y ait plus de vol dans ma voiture, dans mon véhicule, pour toujours passer dans des routes bien faites, pour que l'hygiène soit améliorée, pour que la sécurité dans l'ensemble soit améliorée, je ne vois pas d'inconvénient. Mais toujours, il faut que je sois rassuré sur les remises en application et avoir un cadre de suivi. La Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État, il regorge d'experts. Pourquoi ne pas venir justement suivre tout ça et donner des rapports par rapport au respect à la discipline budgétaire qui doit être observée à la mairie? Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parcem. La route qui part du rond-point des Nations Unies dans la commune urbaine de Nahangwa vers les zones Chibitoke et Ngagara, ainsi que celle qui tend le centre-ville de Bujumbura vers la zone Kanyosha du côté du petit séminaire, vont bientôt être réhabilitées. C'est une annonce faite par le directeur général de l'Office des routes. Ingénieur Vincent Nivayou-Bahé affirme que malgré la réticence de certains bailleurs externes à financer certains travaux, le Fonds routier national aide cet office à entretenir la voirie urbaine. Cette autorité indique en outre que l'entreprise Credo a déjà gagné le marché de réhabilitation de ses routes et demande de la patience aux usagers de ces dernières. Suivez Vincent Nivayou-Bahé. Le réseau routier du centre de Bujumbura n'est pas du tout en très mauvais état, mais quand même il y a certains endroits où on trouvait des nids de poules. Nous sommes en train de faire tout ce qu'il faut faire pour que ces nids de poules soient bouchés. Les fonds que nous utilisons maintenant sont de deux provenances. Il y a des fonds qui sont prélevés sur le carburant et qui sont directement cheminés vers le fonds routier national qui sert à entretenir le réseau classé national, les routes en terre et les routes en bitume. Mais aussi, il y a des bailleurs externes qui sont faits principalement de la BAD, qui est d'ailleurs le grand bailleur. Alors, le fonds routier national nous aide jusqu'à aujourd'hui à couvrir certains besoins d'entretien routier, comme je le dis, le réseau classé national et la voirie urbaine de Bujumbura. Mais aujourd'hui, suite aux différents problèmes que le pays a connus, le fonds national a connu un plafonnement de ses recettes. Pour vous dire que la hauteur où les travaux qu'on devrait faire ont été légèrement réduits, raison pour laquelle vous verrez qu'à l'intérieur du pays, il y a certains passages qui ne sont pas du tout satisfaisants. Ceux qui avaient peut-être eu des inquiétudes, c'est le moment qu'ils puissent retourner la confiance sur Burundi pour qu'on puisse un peu soulever le niveau de vie de la population. La Banque mondiale, via son projet PULI, nous a déjà accordé 25 millions de dollars, dont une partie sera utilisée pour la réhabilitation de la RN1, des caniveaux et d'autres points critiques, c'est-à-dire jusqu'à Kanyaru. Vous donnez de l'espoir à ceux qui utilisent ces voiries urbaines qui bientôt et seront réhabilitées. Ils sont en train d'être réhabilités parce qu'il y a une entreprise qui a gagné le marché, une entreprise qui s'appelle Credo. Il a gagné le marché, on l'appelle les points tatans. Les points tatans, c'est ces points isolés qu'on essaie de réparer avec du bitume ou encore avec du béton. Alors, l'entreprise est à l'œuvre. Il faut qu'ils aient confiance que nous sommes à l'œuvre nous aussi. C'était l'auditeur général de l'Office des routes, Vincent Nivayou-Bahé, au micro de Mireille Kanyang. Les nouvelles des provinces à présent. Le représentant de l'antenne provinciale de la fonction publique, Arumongue, met en garde les écoles qui encadrent les élèves ayant échoué au concours national dans les classes de 9e et 10e. Disant qu'il s'expose à des sanctions, Rugavye Gilbert dit que ces écoles vont à l'encontre du programme du gouvernement burundais et appelle les parents d'élèves de les faire inscrire dans des centres d'enseignement des métiers à Rumonge. Correspondance de Jean-Pierre Misako. Le lycée étoile de Rumonge et le lycée central de l'enseignement technique de Rumonge sont celles qui sont mises en garde pour s'être arrogé le droit de procéder à l'encadrement des élèves ayant échoué au concours national dans les classes de 9e et 10e afin de les préparer à repasser ce concours. Pour Gilbert Horugavie, représentant de l'antenne provinciale de la fonction publique à Rumonge, cet encadrement n'est régi par aucune loi et va à l'encontre du programme du gouvernement prévoyant des centres d'enseignement des métiers à ses élèves. Pour lui, un rapport relatif sera fourni à qui de droit pour arrêter des mesures conséquentes. Entre-temps, il appelle aux parents d'élèves de les faire inscrire dans 3 des 4 écoles de métiers leur destinées en commune Rumonge et décider sur les venir après avoir repassé le concours national. Selon Orugavier, l'inscription continue dans les 3 centres d'enseignement des métiers de la commune Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Éducation toujours. Plus de 15 000 écoliers de différentes écoles de l'enseignement fondamental de la province Eroyigi sont en train de recevoir une aide de cahier pour qu'ils puissent étudier comme les autres enfants. Les prioritaires parmi ces enfants bénéficiaires sont les orphelins du sida et autres enfants vulnérables et disent tous qu'ils sont satisfaits, de même que le conseil socioculturel du gouverneur à Ruyigi, Jean-Claude Chimirimana. Cet cahier pour les écoliers des première et deuxième année, 9 pour ceux de la troisième et quatrième année, 13 pour ceux de la cinquième et sixième année et 16 pour ceux de la septième, huitième et neuvième année de l'école fondamentale. Tels sont les paquets d'une aide en cours de distribution à 15 324 écoliers de différentes écoles de l'enseignement fondamental de la province Ruyigi. À la section Ruyigi de la Croix-Rouge qui a organisé la remise de cette aide de cahier dans le cadre du programme renforcement de la réponse communautaire au VIH-SIDA et à la tuberculose, on indique que les bénéficiaires prioritaires sont les enfants vivant avec le VIH-SIDA, ceux dont les parents sont morts du SIDA, les enfants chefs de ménage et ceux vivant en dehors de leurs familles respectives. Les bénéficiaires contactés disent avec joie qu'ils sont satisfaits de cette aide de cahier puisqu'ils n'avaient pas encore eu la totalité de cahiers exigés aux écoles. Certains d'entre eux souhaiteraient également une assistance en uniforme scolaire. Ont Sud indiqué. Alphonsine Nahayo, conseiller socio-culturel du gouverneur à Ruigi, qui a solennellement ouvert la distribution de cette aide d'Okaye qui durera 3 jours, dit que c'est une aide remise à point nommé puisque certains écoliers éprouvent des difficultés dans la recherche du matériel scolaire. À cet effet, il demande à tous ceux qui pourraient enregistrer en excès de ne pas vendre les cahiers obtenus, mais plutôt de les garder pour qu'ils puissent les utiliser l'année scolaire prochaine. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Cap maintenant sur Kayanza où nous retrouvons notre envoyé spécial Oban Nyonguru qui nous rapporte que la campagne de désinsectisation des caféiers dans cette province a été lancée ce jeudi. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage indique que ces insectes qui attaquent cette culture peuvent être à l'origine de la réduction de la production jusqu'à 40%. Depuis Kayanza, nous appelons notre envoyé spécial Oban Nyonguru. Cette campagne de désinsectisation initiée en commune d'Ango de la province de Kayanza s'inscrit dans le cadre de protection du café contre les punaises, insectes qui attaquent cette culture et qui causent de nombreux dégâts. Selon le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, une fois attaqué par ces insectes, les caféiers réduisent la production jusqu'à 40%. En plus, selon Claude Nzambimana, les punaises ouvrent la voie à d'autres insectes qui détériore aussi la qualité de cette culture d'exportation. Du côté des caféiculteurs, le président de la fédération, Bonakouré, considère que les caféiculteurs ne tirent pas toujours grand profit dans la culture du café. Claude Dimora demande au gouvernement d'adapter le prix du café aux efforts qu'il fournissent dans sa culture. La province de Kayanza a été classée première en ce qui est de la qualité du café au niveau mondial lors de la campagne 2015 et est toujours classée première au niveau national. De la commune Rango en province de Kayanza, Oben Yonguru, Radio Isanganiro. Merci Aubin. Une nouvelle brève pour boucler ce journal. En certain, Ngingo Imana Emmanuel, alias Mbonyingingo, de Nyakasasa, en commune Mugamba de la province Bururi, est dans la main de la police de Mugamba depuis le soir de ce mercredi. Il a été retenu après avoir montré son fusil de type Kalachnikov avec un chargeur garni sur la colline Nyamugari de cette même commune où il le cachait, selon la police à Bururi qui dit avoir collaboré avec certains habitants de Mugamba pour mener à bon port cette opération. Lui est pacifique et Imana arrêté la veille à Gakaranga pour la même cause, seront remis au parquet de Bururi car leurs dossiers judiciaires se sont déjà clôturés, apprend-on du commissariat de police à Bururi. Il est 13h22 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que, alors que le porte-parole de la police dit que notre confrère correspondant de Karoussi n'avait pas été arrêté mais interpellé pour donner des clarifications sur une information donnée à propos des rondes nocturnes faites par les jeunes militants du CNDD-FDD, le directeur de Radio Isanganiro s'insurge contre la convocation pendant la nuit de ce mercredi de Blaise Pascal Kararoumbié, même s'il a été relâché quelques heures après, pour Samson Manera-Dukunda. Cela montre que les relations entre certaines autorités et les journalistes ne sont pas bonnes et souhaite que cette situation change. Le ministre de la Défense nationale annonce que le Burundi envisage de retirer ses troupes de la Somalie si l'Union européenne maintient son intention de payer directement les indemnités aux militaires burundais en mission dans son pays. Et le ministre de la Sécurité, lui, dit que le renvoi des policiers qui étaient en mission en Centrafrique était une mesure politique. Ils sont tous deux invité à l'Assemblée nationale pour des questions orales qui continuent en ce moment. Des avocats africains en visite au Burundi conseillent au gouvernement de dialoguer avec la Cour pénale internationale, même s'il a le droit de se retirer de cette instance judiciaire internationale. Ils ont rencontré la ministre de la Justice ce mercredi. Et le représentant de l'antenne provinciale de la fonction publique, Karumongue, dit que les écoles qui encadrent les élèves ayant échoué à l'examen de l'accès à l'enseignement post-fondamental s'exposent à des sanctions et demandent aux parents d'élèves de les faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Séraphine Hakizimana. Je lui dis merci. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.